consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, ben comme d'habitude, on a plein de bonnes choses, de nouveautés à vous faire entendre. Et on commence avec Galahad, oui, la formation du Royaume-Uni, qui présente un nouvel album studio. Et on peut dire que c'est son 16e album si on tient compte du fait que le groupe a présenté quand même deux albums sous le nom de Galahad Electric Company. Ce nouvel album a pour titre The Long Goodbye et comme premier extrait, on a choisi de vous présenter la pièce-titre. Et puis, autre nouveauté, et je dois dire que je suis très content, j'adore ce groupe, Mondo Drag, un groupe californien qui en est à son 5e album. Il a pour titre True, The Hourglass, et on aura la pièce Run comme premier extrait, et je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas le dernier, j'adore ce groupe, et l'album est vraiment excellent. Et puis Marc, on demeure aux États-Unis par la suite. Oui, en effet, avec la formation Rascal Reporters, qui a débuté en 1974. Ils ont fait paraître quelques albums dans les années 80, quelques-uns dans les années 90 et au début des années 2000, et viennent de faire paraître le nouvel album qui a pour titre Ducks in a Row. En fait, ça fait partie d'un album double qui a pour nom The Strange Case of Steve. Alors, sur cet album, il y a les musiciens Steve Kretzner, Steve Gore, qui sont deux des membres fondateurs, et James Strain, qui a joint la formation récemment. Et cet album, qui compose le CD2 de cette nouvelle parution, reprend des pièces qui avaient été composées dans les années 70 et qui ont été retravaillées. Donc, pour vous ce soir, on aura la pièce One of Our Dogs is Missing. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute le bloc musical avec la nouveauté de Galahad. Hi there, this is Stu from Galahad. And you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Standing in a place that I should know, but it doesn't seem familiar. I dare not move for a moment whilst I'm trying to get some kind of bearing to recognize these shapes and the shadows. I knew. Now panic is setting in as I still can't work it out, and a mass of jumbled thoughts are running through my head, confusing and so disorientating, and suddenly everything has all gone blank. Recognition.

good night. Goodbye. Goodbye. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Chez Alimentex, chaque mois est synonyme de bonnes affaires. Notre équipe travaille avec nos fournisseurs pour vous offrir des rabais incroyables. Consultez notre circulaire et suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières offres spéciales. Alimentex, votre épicerie de quartier à Québec. Between the walls that you had made, between the thoughts that you've created in your mind, in your heart. Espace DCL vous propose des spectacles inoubliables à l'Anglicane de Lévis. Musique, humour, théâtre, danse et plus encore. Profitez d'une programmation riche et variée dans une salle unique et intimiste. Cette saison, on se retrouve à l'Anglicane de Lévis. Détails et billets sur espacedcl.ca. Le Palais Montcalm vous offre le jazz manouche à son meilleur avec Jungle Festival Hall Stars. Une première halte à Québec pour le célèbre guitariste Dorado Schmidt et sa formation, qui interprète avec virtuosité les incontournables de Django Reinhardt ainsi que du matériel original. Le 11 novembre au Palais Montcalm, plongez dans l'époque du Hot Club grâce à l'interprétation unique et énergique du Django Festival Hall Stars. Détails au palaismontcalm.ca. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Né rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec une nouveauté qui n'en est pas vraiment une. Laissez-moi vous expliquer. C'est un extrait de l'album de Magic of Sin de Arab in Aspic, un album qui, à l'origine, est paru en 2017 sous le titre de Sindenes Magi. Le chant était en norvégien. L'album a été réenregistré en anglais. Donc, nouveauté, pas de nouvelle, de Magic of Sin, c'est le nouveau titre de l'album. Et d'ailleurs, la maison de disques Charisma en profite pour rééditer deux autres albums de Arab in Aspic, Pictures and a Dream et Victim of Your Father's Agony. Et puis, tout de suite après, on aura Andrea Orlando, batteur de La Conscienza di Zeno, La Mascara di Cera, et c'est son second disque solo, La Cienza delle Stagioni. Et puis Marc, par la suite, on demeure en Italie. Oui, avec une nouvelle formation qui a pour nom Fabula Nova, qui viennent de faire paraître un premier simple qui a pour titre The Edge Part 1 au début du mois d'octobre. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec une pièce du nouvel album de Arabs in Aspic. Thank you. Thank you. despises those who ask. If no one finds the way behind the light behind your back, do you fear that your honor will betray you? Do you fear that your blood ties will betray you? Thank you.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La boulangerie artisanale La Boîte à pain est ravie de vous offrir ses croutons rabais. Cherchez l'autocollant rouge amusant vous indiquant de nombreuses réductions disponibles. Retrouvez nos croutons rabais en succursale et dans l'antidote dès maintenant. N'oubliez pas de profiter de ces offres avantageuses en cette période d'inflation. Il y a toujours un crouton rabais à se mettre sous la dent. Boîte à pain.com. Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Nez rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Millimétrique, artiste électronique de Québec, célèbre ses 20 ans de carrière. Pour l'occasion, il lance son 11e album complet en carrière, Life Elevated. Procurez-vous dès maintenant l'édition limitée du vinyle ou la version numérique en visitant le millimétrique.bandcamp.com. Le Palais Montcalm vous offre le jazz manouche à son meilleur avec Jungle Festival Hall Stars. Une première halte à Québec pour le célèbre guitariste Dorado Schmidt et sa formation, qui interprète avec virtuosité les incontournables de Django Reinhardt ainsi que du matériel original. Le 11 novembre au Palais Montcalm, plongez dans l'époque du Hot Club grâce à l'interprétation unique et énergique du Django Festival Hall Stars. Détails au palaismontcalm.ca. The world waited. Curious. Wondering. Aware. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura l'artiste américain Matthew Parmenter qui faisait paraître en 2008 son excellent album Horror Express. On sait que Matthew Parmenter est également chanteur et compositeur pour la formation Discipline et a participé plus récemment à quelques parutions de la formation de Samurai of Prague. Alors donc, de son album Horror Express, on aura la pièce Monsters from the ID. On aura également l'excellente formation italienne Phoenix Again, qui faisait paraître en 2022 leur 5e album intitulé Vision, vraiment très bon. Et on aura pour vous les pièces Ouverture et Moments of Time. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va avec une excellente formation grecque. Oui, tout à fait. La Grèce peut compter sur un nouveau représentant pour le rock progressif. Et on parle ici du groupe Residuos Mentales qui, en octobre dernier, nous présentait un second album qui a pour titre A Temporary State of Bliss. Comme je le disais donc, on peut rajouter maintenant à la liste de Verbal Delirium, Chicada, La Tulipe Noire, et quelques autres, le nom de Residuos Mentales. On va écouter la pièce de Missing Part.

time has come to decide now. See how she stands defiant eye. Yet I gave up all I had to her. Feeble slave, this love I have met to her. Nevermore a child shall she cling to me. Only poor defiled praises sing to me. Make for basic dysfunctional, sad, ugly, angry, terrible, distorted, fearful, unrepentant self. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura l'artiste américain Cody Carpenter de la Californie, qui faisait paraître en 2020 son troisième album intitulé Control. Il en a fait paraître un autre cette même année qui est constitué d'improvisations piano, un autre en 2021 et deux en 2022. Il est un excellent claviériste et joue également de la guitare et de la basse. Alors de cet album, on aura pour vous la pièce Vivid Silver. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on regarde dans le rétroviseur avec une célèbre formation de l'Argentine. Oui, il s'agit de Nexus et on va avoir un extrait du troisième album de ce groupe. L'album porte titre Perpetuum Karma et puis on se garde ce soir, on écoute la pièce d'ouverture qui est une pièce épique de plus de 17 minutes. Thank you.

Conclure l'émission de ce soir, ben, on a puisé même un album de la formation italienne Witchwood. Il s'agit de son plus récent album paru en 2020, Before the Winter, ce qui est un peu approprié, ma foi. Et on aura la pièce A Taste of Winter. En passant, le groupe a réalisé un autre excellent album qui a pour titre Handful of Stars, si jamais vous avez le goût de pousser vos recherches. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous invite, en passant, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita pour vous y retrouver toutes les émissions. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et Marc et moi vous souhaitons une excellente nuit à l'écoute de CKRL. My days and spells rolling, and the story inside.